Chapitre 15. 3. De la destinée de l'âme après la mort. À la suite de ces développements purement réfutatifs, où se donne carrière l'humeur vive et militante de saint Augustin, il conviendrait de résumer les passages plus dogmatiques où il expose avec calme et sérénité ses propres croyances sur l'état de l'âme après la mort. Mais comme ses doctrines sur ce point se confondent à peu près avec les doctrines chrétiennes, et qu'il invoque plus souvent pour les établir l'autorité de l'Écriture que celle de la raison, nous nous bornerons à appeler l'attention sur les plus caractéristiques d'entre elles, en dégageant, autant que faire se pourra, l'élément philosophique de l'élément théologique. Il se pose au sujet de l'état de l'âme, à partir de l'heure de la mort jusqu'au moment de la résurrection finale, deux questions extrêmement curieuses, celle de savoir si cette substance demeure associée à un organisme subtil, et celle de savoir si elle réside dans un lieu corporel. Doit-on penser que l'âme n'est point complètement séparée à la mort de toute espèce de matière, et qu'elle reste unie à un corpuscule éthéré, invisible, qui lui sert comme de véhicule pour se transporter d'un lieu à un autre? Cette opinion, qui était celle des néoplatoniciens et de plusieurs pères de l'Église, et que Leibniz et Bonnet devaient professer un jour, paraissait sourire à Nébride et à Évode, amis de saint Augustin. Ils étaient portés à croire que Dieu seul existe sans être uni à aucune substance matérielle, et que l'âme de l'homme et celle même de l'ange ne sauraient se concevoir sans un corps. L'âme étant incorporelle, disait-il, si elle n'a plus aucun corps, elle n'a plus rien qui l'individualise, elle cesse d'être une réalité particulière, et se perd dans l'abîme de l'âme universelle. Mais alors, ajoutaient-ils dans leurs préoccupations théologiques et chrétiennes, où est le riche vêtu de pourpre, où est Lazare couvert de plaies? Comment peuvent-ils se distinguer par leurs mérites et leurs démérites, leurs joies et leurs souffrances, s'il n'y a qu'une âme unique formée par la réunion de toutes les autres? Il est bien plus raisonnable de croire que les âmes restent toujours unies à des corps sui generis, sans lesquels elles seraient entièrement indiscernables. Quant à la question de savoir en quoi consiste cet organisme mystérieux que l'âme emporte partout avec elle, elle n'est pas facile à résoudre. Il est seulement à présumer que le corps, qui est composé de quatre éléments, n'en conservant que trois, la terre, l'eau et l'air, car il se refroidit aussitôt après la mort, le feu s'envole avec l'âme quand elle quitte nos organes, et constitue ainsi ce corpuscule qui lui est inséparablement uni et que le temps ne saurait dissoudre. Lettres 13 et 158. Augustin ne partage point l'opinion vers laquelle penchent ses amis, et conteste vivement l'existence de ce corps subtil et immortel, en se fondant, il est vrai, sur des raisons qui ne paraissent pas très concluantes. Toutes les choses, suivant lui, qui existent et qui sont connues, sont du ressort de l'intelligence ou du ressort des sens, et sont dites pour cela intelligibles ou sensibles. Or dans laquelle de ces deux catégories placerons-nous ce corps subtil dont on fait le véhicule et comme le char de l'âme? Dans la catégorie des choses intelligibles? C'est impossible, puisqu'on en fait une chose qui se meut dans l'espace comme les autres choses corporelles. Dans la catégorie des choses sensibles, mais il faudrait pour cela qu'il fût tombé sous les sens de quelqu'un. S'il n'est accessible ni à l'intelligence ni au sens, il ne peut être ni connu ni affirmé légitimement, il ne peut donner lieu qu'à une opinion hasardée et puérile. On voit qu'avec cette manière de raisonner, On arriverait à établir qu'il est impossible à un astronome de déterminer par le seul calcul, non seulement la place, mais encore l'existence d'un nouveau corps céleste. Nous ne pouvons, ajoute le père, juger des choses que nous ne connaissons pas que d'après celles que nous connaissons et qui offrent avec elles une certaine analogie. Voyons donc ce qui se passe dans le sommeil, qui est de tous les phénomènes de la vie celui qui ressemble le plus à la mort. Car pour l'âme, qu'est-ce que dormir, sinon s'éloigner des organes, et en particulier des yeux, qui sont comme les flambeaux du corps? Et qu'est-ce que mourir, sinon s'en éloigner d'une manière plus complète et définitive? Or, quand l'âme s'est ainsi éloignée des organes, elle voit souvent en songe les objets les plus divers. Qui oserait dire pourtant qu'elle les voit uniquement parce qu'en s'éloignant des sens elle a emporté avec elle un corps subtil et ayant des yeux subtils? Ce qu'on n'oserait pas dire de l'âme quand il s'agit du sommeil, qui est un certain éloignement des sens, pourquoi le dirait-on de la mort, qui n'est qu'un éloignement des sens un peu plus grand, et qui ne diffère du sommeil que du plus ou moins? Quant au lieu qu'habitent soit les âmes vertueuses, soit les âmes criminelles, Augustin estime qu'il est assez difficile d'en préciser la nature. Faut-il admettre qu'une fois sorties du corps, elles sont encore contenues dans des lieux corporels? On serait tenté de le croire en lisant dans l'évangile que le mauvais riche suppliait Lazare de tremper dans l'eau le bout de son doigt pour rafraîchir sa langue desséchée. Cela est peu probable toutefois. Qui ne voit, en effet, que si l'on prend ce récit à la lettre, il faudra interpréter les mots langue desséchée, goutte d'eau, doigt de Lazare, dans leur sens propre, et qu'on sera amené à regarder comme corporelle l'âme elle-même, et non plus seulement le lieu qui la contient. Tout au moins devra-t-on lui attribuer ce corps subtil dont il a été question plus haut, et dont l'existence est chose si contestable. L'âme n'ayant plus de corps, pas même un corps éthéré, depuis que la mort a brisé son union avec les organes, ne saurait occuper un lieu corporel. Que reste-t-il donc, sinon qu'elle occupe soit un lieu semblable au lieu corporel, soit un lieu incorporel absolument et de tout point? On peut se faire une idée de ces lieux semblables au lieu corporel par ceux qu'on voit des yeux de l'esprit pendant les songes, et par ceux qui ont apparu à certains hommes qui, ravis loin de leurs organes et étendus comme des morts, ont eu la vision d'un autre monde. Qu'on ne dise pas que c'est décerner à l'âme des récompenses vaines, et lui infliger des châtiments chimériques que de la placer dans des lieux purement imaginaires. Sans doute les choses qui l'affectent lui paraissent corporelles sans l'être. Elle-même s'apparaît comme un corps sans être un corps, elle se prend en quelque sorte pour objet et se regarde aller et venir. Mais rien n'est plus réel que les modifications qu'elle éprouve, sa joie est une joie véritable, et sa douleur une véritable douleur. C'est ainsi que dans le rêve, bien que les images qui nous traversent l'âme soient sans objet, le plaisir ou la peine qu'elles nous font éprouver, ont quelquefois une vivacité si grande que nous désirons ou craignons extrêmement de nous rendormir. Les images que nous roulons en nous-mêmes sont encore plus précises et plus fortement senties dans l'extase que dans le sommeil, et dans la mort que dans l'extase. Être en enfer, c'est être obsédé par des visions si intenses qu'elles produisent sur notre sensibilité un prodigieux ébranlement, et nous agitent comme pourraient le faire de véritables corps. Chacun de nous porte son enfer au-dedans de lui, puisque chacun de nous objective de simples états de son âme, et prête à de pures représentations la réalité et la vie. Concevoir les enfers de cette manière, Ce n'est pas les nier, dit Augustin, comme l'ont fait les poètes, qui en ont donné des explications allégoriques, c'est seulement leur attribuer une substance spirituelle au lieu d'une substance corporelle. De la Genèse au sens littéral, livre 12 chapitre 32, et livre 8 chapitre 5, premier sermon, discours sur les psaumes 36, traité sur l'évangile de Saint Jean chapitre 11, traité 49. Ce ne sera sans doute qu'après la résurrection des corps que l'homme occupera un véritable lieu et subira des peines à la fois physiques et morales. Mais ici se présente à la pensée de notre théologien une objection qui aurait embarrassé un esprit moins fécond en ressources, et à laquelle il échappe avec cette agilité et cette souplesse qui ne devaient jamais faire défaut à ses successeurs dans des circonstances plus graves, et en face des transformations les plus inattendues de la science humaine. Si les damnés pâtissent corporellement, et si le feu qui les brûle est un feu physique, comment comprendre que les esprits de ténèbres puissent en souffrir ? Peut-être ont-ils, répond notre auteur, comme l'ont cru de savants hommes, des corps à leur manière, composés d'un air épais et humide, qui, étant susceptible de s'échauffer, échauffe à son tour. Mais, en admettant même qu'ils soient de purs esprits, rien n'empêche qu'ils ne souffrent d'un feu corporel. Le Père en donne une raison curieuse, qui a été reproduite par Arnaud, Logique de Port-Royal, première partie, chapitre 9. Ils peuvent, dit-il, être unis au feu comme nos esprits sont unis à nos corps, non de manière à l'animer, mais de manière à souffrir par suite de cette union. Il n'y aurait rien là de plus merveilleux que dans l'union actuelle des esprits et des corps, union qui constitue les animaux, les hommes eux-mêmes et dont nous sommes si loin d'avoir pénétré le secret. Quoi qu'il en soit, les damnés souffriront, soit au moral, soit au physique, les tourments les plus affreux. Privés de Dieu, qui est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps, ils seront frappés de ce que l'Écriture appelle énergiquement la seconde mort. En proie, dans leur sensibilité, à des souffrances que leur volonté repoussera et contre lesquelles elle se raidira en vain, ils seront à jamais divisés avec eux-mêmes, et nourriront au fond de leur être une guerre éternelle. Cité de Dieu, livre 19 chapitre 28, et livre 21 chapitre 10. Les hommes vertueux, au contraire, en possession de corps désormais immortels et incorruptibles, jouiront d'un bonheur tel que l'œil n'a jamais rien vu, que l'oreille n'a jamais rien entendu qui puisse lui être comparé. Chacun de nous cessera d'être en guerre avec lui-même et avec les autres, parce que Dieu commandera souverainement à l'âme comme l'âme au corps. Trouvant autant de charme dans l'obéissance que de félicité dans le commandement, l'âme vivra, sous les lois salutaires de l'ordre pleinement réalisé, au sein d'une paix ineffable encore augmentée par la certitude qu'elle ne finira point. Ce sera vraiment et dans toute la force du terme, à la suite des cisages laborieux et tourmentés que la race humaine aura traversé depuis Adam, ce sera le jour du repos éternel, le grand sabbat qui n'aura pas de soir. Les corps transformés et glorieux étaleront au regard des formes harmonieuses dont les types les plus parfaits de la terrestre beauté ne peuvent donner qu'une idée grossière. Devenus souples et dociles aux ordres de la volonté, ils se transporteront avec une célérité prodigieuse sur tous les points de l'espace qu'il nous plaira de visiter, et emporteront partout avec eux les joies du paradis. Cité de Dieu, livre 22 chapitre 30, de la Genèse au sens littéral, livre 12 chapitre 34. Du sein de leur bonheur, Les élus se souviendront pourtant de leurs souffrances passées, mais ils s'en souviendront d'un souvenir purement intellectuel, qu'aucun élément sensible ne viendra altérer, ils s'en souviendront sans en souffrir. C'est ainsi que le médecin connaît les maladies lors même qu'il ne les éprouve pas. Le contraste qu'ils verront entre leurs misères antérieures et leur félicité présente, leur fera savourer cette dernière avec plus de plaisir, et les portera plus vivement encore à louer Dieu qui en sera l'objet et le principe. Il est certain que la félicité de tous les élus ne sera pas égale, et qu'elle variera avec chacun d'eux. Cependant Dieu, qui se communique à tous pour leur servir d'aliment et pour les animer de sa vie, les unira d'une union si intime, qu'ils ne s'environt point les uns les autres, pas plus que, dans l'économie de notre corps, le pied n'envie l'œil ou que l'œil n'envie la main. Tous les vices qui nous souillent ici-bas et qui altèrent la pureté de notre nature, seront inconnus dans cette vie nouvelle. Ils seront effacés par les effluves de la grâce que Dieu versera sur nous, et par notre union avec cet être ineffable, auquel nous participerons sans toutefois nous identifier avec lui. Car Augustin cherche à sauvegarder jusque dans le ciel la personnalité humaine, et n'admet pas la doctrine panthéistique de l'absorption de toutes les âmes dans l'unité divine. Les élus seront libres, et pourtant ils ne pécheront pas, car il y a, nous l'avons vu, deux sortes de liberté, celle qui consiste à pouvoir pécher ou ne pas pécher, et celle qui consiste à ne pouvoir pécher. Comment serions-nous tentés de faillir et de nous éloigner du bien suprême, quand nous le verrons face à face et que nous en goûterons la douce possession? Car l'Écriture nous apprend que tous ceux qui auront le cœur pur, c'est-à-dire tous les élus, verront Dieu. Cité de Dieu livre 19 chapitre 27, et livre 22 chapitre 30. Cependant nous ne pourrons pas, même alors, comprendre et embrasser dans toute sa plénitude l'essence de l'être divin. Pourquoi? Parce qu'elle est sans limite, et qu'elle se dérobe, par son immensité même, à la capacité de notre esprit. Il y a bien de la différence, Augustin l'a remarqué avant Descartes, entre connaître une chose et la comprendre. Connaître une chose, c'est la saisir tant bien que mal. La comprendre, c'est la saisir tout entière et de manière qu'aucune de ses parties ne nous échappe. Je connais Dieu, mais je ne le comprends pas, parce que mon esprit borné ne saurait égaler un esprit qui est sans borne. Lettre 147 chapitre 9. Les poètes anciens n'avaient trouvé, pour décrire le bonheur réservé à la vertu, que des traits vulgaires et des couleurs communes. Homère et Virgile, si féconds quand il s'agit de dépeindre les peines des criminels, sont d'une rare stérilité quand ils parlent des récompenses destinées aux gens de bien, ils ne savent, suivant l'expression d'un écrivain illustre, que faire jouer de la flûte ces ombres heureuses. Confère Montesquieu Lettre Persane 125. Augustin, inspiré par une religion plus noble et plus sainte, conçoit une autre félicité que celle des sens et d'autres plaisirs que ceux dont ils sont la source. Il nous montre les bienheureux dans leur ciel mystique, revêtus de leur corps glorieux, vivant par l'amour et par l'intelligence, et faisant de la lumière éternelle, de la vérité incorruptible, leur unique aliment. On dirait ces figures aériennes, éthérées, angélique, dont la peinture du XVIe siècle a si bien rendu la beauté idéale et toute spirituelle, ou ces ombres divines que l'imagination chrétienne de l'auteur du Télémaque fait, errer dans les beaux caches païens de l'Élysée. Toutefois il ne faut point s'y méprendre, Ces idées, bien qu'étrangères à la poésie des peuples anciens, n'avaient point été étrangères à leur philosophie. Platon les développe dans quelques-uns de ses dialogues avec une admirable grandeur. Il dépeint les âmes heureuses planant avec délices dans les hauteurs de l'Empyrée, baignées de la lumière de ce soleil intelligible qui épanche de toutes parts la fécondité et la vie, et se nourrissant de cette vérité dont l'ambroisie n'était que le vain emblème. Je ne sais dans quel livre sacré on trouverait le séjour céleste représenté avec des teintes plus immatérielles, le suprême bonheur plus formellement placé dans la vie morale, Dieu est l'idéal plus complètement identifié, que dans les pages bien connues du Phèdre. Je ne sais quel auteur hébreu a mieux parlé de Dieu que le philosophe qui le représente comme une essence sans couleur et sans forme, invisible et impalpable, ne pouvant être contemplée et conçue que par l'intelligence. C'est toujours à Platon qu'il faut remonter, en métaphysique comme en morale, quand on cherche l'origine des grands courants d'idées qui traversent l'histoire. C'est vraiment l'Homère de la philosophie, car c'est chez lui qu'ont puisé tous ceux qui l'ont suivi, c'est l'océan, comme on l'a dit, du grand poète grec, où les fleuves et les fontaines prennent leur source. Quant à la question de savoir si ces spéculations sont aussi solides que brillantes, nous ne nous chargeons pas de la résoudre. Sans croire avec certains auteurs à l'impuissance absolue de la raison, nous croyons à son impuissance actuelle touchant les matières dont il s'agit. Que le chrétien ferme l'évangile, que l'homme de sentiment calme les mouvements de son cœur, que l'homme d'habitude se dépouille de toute idée préconçue, et que chacun d'eux s'interroge sincèrement lui-même. Qu'il demande à sa seule intelligence quel sera l'état de l'âme dans la vie future, et il verra qu'à une question si toute réponse certaine est impossible. Le monde futur est un monde scellé, dont les secrets sont interdits à notre esprit comme à nos yeux, nous ne saurions les surprendre sans mourir. Jusque-là nous ne pouvons que répéter le monologue d'Hamlet, et y répondre suivant les inspirations de notre cœur ou suivant les enseignements de notre foi, la destinée de l'âme après la mort est un objet de croyance et non de science. Voir sur ce sujet les belles considérations de Monsieur Guizot, Méditation et études morales, première méditation. Markham d'Anarchivorg 2021, d'après Books Google FR licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.